Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir proposé de participer à ce colloque et je tiens également à préciser que sur ce sujet qui a des implications complexes sur le plan juridique, je n'ai pas toutes les compétences sur cette question et que par ailleurs, je ne suis pas historienne de l'art. Vous venez de le dire, monsieur le professeur, je suis archiviste et je me suis vu confier le classement des archives consacrées à l'application des différents traités de paix issus de la Première Guerre mondiale. Ces archives, les archives de la Commission des réparations et celles de la délégation française auprès de cette commission, conservent des dossiers extrêmement intéressants sur l'Autriche. Dette austro-hongroise d'avant-guerre, comité des biens cédés, dossier de la sous-commission du ravitaillement à Vienne, ou encore la très importante section d'Autriche créée en application du traité de Saint-Germain-en-Laye, signé avec l'Autriche le 10 septembre 1919. Ces archives renferment des documents d'un intérêt très grand pour connaître certaines des relations entre la France et l'Autriche dans les années 1919-1921, si difficiles pour ce dernier pays. Alors, je vais commencer par dresser un tableau trop rapide et très succinct du contexte de l'Autriche à cette période pour expliquer les raisons de cet inventaire estimation qui a été faite des richesses de l'Autriche. En effet, sur le plan économique, aux immenses difficultés nées des années de guerre, vient s'ajouter à la suite du démantèlement de l'Empire la rupture de l'équilibre existant entre ces différentes parties. En conséquence, les conditions d'approvisionnement du pays sont extrêmement difficiles. Le système financier est au bord de l'effondrement au moment même où il faut liquider la banque impériale et royale austro-hongroise. Les pays vainqueurs cherchent donc des garanties avant de poursuivre l'aide absolument indispensable si l'on veut assurer la survie du pays. L'inventaire estimation des richesses artistiques est donc une conséquence directe de ce que je viens d'évoquer. Le terme richesse peut d'ailleurs s'entendre dans les deux sens. D'un point de vue artistique, ces objets représentent une immense richesse, mais également il faut comprendre qu'elles ont une valeur économique et financière très réelle. On décide donc de les inventorier et de les estimer car elles sont considérées comme des actifs à mettre au crédit de l'Autriche. Au même titre que le monopole du tabac, le monopole du sel, les forêts ou les chemins de fer. Le problème principal qui est en arrière-fond est donc l'obtention de crédit pour l'Autriche et la question sous-jacente. Doit-on en arriver à la vente ou peut-on mettre en gage un certain nombre d'objets d'art? Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un domaine purement artistique dans le propos que je vais tenir. La préoccupation n'est pas d'abord une préoccupation érudite qui a fait naître ce projet. Je vais donner maintenant quelques repères chronologiques avant de présenter Raymond Coquelin pour situer dans le temps les différents moments importants de cet inventaire estimation. En décembre 1919, il est choisi par la France pour être son délégué officiel en tant qu'expert au sein du comité, chargé d'inventorier et d'estimer ses richesses. Des experts britanniques, italiens et américains doivent également participer. Il effectue une mission à Vienne en janvier-février 1920, en même temps que l'expert italien, et rencontre en mars et avril, à leur retour de Vienne, ses collègues américains et britanniques, afin qu'ils puissent tous harmoniser leurs conclusions. Mais dans certains domaines spécialisés, ainsi les manuscrits, les armures, l'Égypte, l'inventaire, estimation, tarde à être effectué. À la fin de l'année 1920, Raymond Coquelin, qui lui-même a été chargé à l'automne d'estimer les antiques, apporte des corrections et des modifications aux listes qu'il a établies pour les différentes catégories d'objets d'art. En février 1920, nous trouvons encore des échanges de correspondance sur les propositions qu'il a faites, tandis que la commission des réparations, au même moment, s'inquiète de ne pas obtenir encore de rapport final. Vous avez déjà dit quelques mots, monsieur le professeur, de Raymond Coquelin, et effectivement, on peut souligner à quel point c'est une personnalité de premier plan et une personnalité de premier plan dans les deux domaines qui peuvent nous intéresser pour cet inventaire estimation. Elle est effectivement dans le domaine artistique, mais également dans le domaine diplomatique et de la politique étrangère. Il est d'abord collectionneur, puisqu'il a eu des passions diverses, art japonais, les arts de l'islam, l'art chinois, mais aussi la peinture moderne et tout particulièrement les impressionnistes. Il a consacré des années de sa vie à rédiger des ouvrages, en particulier sur les ivoires gothiques, et également sur la sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale, au XVIe siècle. Vous voyez donc que ces centres d'intérêt sont extrêmement variés, ce qui, pour un inventaire estimation d'une grande ampleur, peut parfaitement être un très grand atout. Mais il a eu aussi des fonctions très importantes, car il est membre fondateur de la Société des Amis du Louvre en 1897, et il en devient ensuite le président. Il est également connu pour son rôle dans la souscription lancée à la suite du vol de la Joconde, ce qui l'a déjà confronté à l'impossibilité d'estimer vraiment des œuvres de premier plan. On lui doit également, par ses donations, d'avoir enrichi les collections des musées français et tout particulièrement le Louvre. Il a également joué un rôle essentiel à l'Union centrale des arts décoratifs, dont il a été vice-président. Vous avez rappelé qu'il était né dans une famille protestante et son père ayant opté pour la France, il fait ses études à Paris. Et vous l'avez souligné également, c'est un aspect particulièrement intéressant, il fait l'école libre des sciences politiques. À la suite de quoi, il dirige pendant une quinzaine d'années le bulletin de politique étrangère au journal des débats. À partir de 1891, il donne le cours d'histoire diplomatique à l'école libre des sciences politiques. Au départ, cela s'explique par les relations très proches qu'il entretient avec des hommes comme Émile Boutmy ou Albert Sorel. Au fil du temps, cela lui permet une connaissance et une proximité exceptionnelles avec le milieu diplomatique français. Les deux aspects de sa carrière, diplomatie et monde des arts, se complètent pour cet homme qui, avant la Première Guerre mondiale, a tissé des liens privilégiés avec les élites intellectuelles et a énormément voyagé en Europe. C'est donc un homme particulièrement capable d'assurer cette mission qui va se rendre en Autriche, accompagné de 4 collaborateurs qui sont des conservateurs du musée du Louvre. Cette estimation, je dois vous préciser aussi qu'elle se fait en couronne or, une monnaie dont on peut dire qu'en multipliant les chiffres par 2, on obtient le prix en francs. Cette estimation, elle pose un certain nombre de problèmes, en particulier parce qu'elle est liée à l'application du traité de Saint-Germain-en-Laye. Et ce traité, qui est tout à fait parallèle à celui de Versailles, hein, dans sa rédaction, est un traité qui, dans sa partie 8, traite des réparations. Et au sein de cette partie 8 où il est question des réparations, il y a dans les dispositions particulières un certain nombre de précisions qui sont extrêmement complexes et qui vont avoir un rôle tout à fait important pendant l'estimation. En effet, que ce soit le gouvernement autrichien, que ce soit les différents pays concernés, ou que ce soit la commission des réparations, qui est précédée à l'automne 1919 du comité d'organisation de la commission des réparations, les avis sont souvent divergents, y compris pour l'interprétation des articles 191 à 196 et tout particulièrement 195 et 196, puisque ces articles précisent les revendications éventuelles sur les objets d'art qui peuvent être faits par un certain nombre de pays. Alors, je cite celui qui est le principal dans cette période, qui est l'Italie. Et d'ailleurs, pendant que l'estimation se fait en Autriche, les Italiens et les Autrichiens sont eux-mêmes en négociation pour une convention qui verra le jour en mai 1920. Mais il y a aussi les revendications de la Belgique, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Tous ces éléments font que l'action elle-même des experts s'en trouve compliquée, mais il faut bien comprendre aussi dans quelle optique cette mission est faite. Cette mission est faite en précisant bien, c'est ce que disent les membres de la commission de l'organisation de la commission des réparations, ce n'est pas le rôle des experts de trancher sur un certain nombre de questions qui ferait que ces objets d'art appartiennent ou non, en fonction des différents éléments qui ont été donnés, à la couronne, à la famille impériale, et qui, sur ce, pourraient être exclus dans la mesure où, dans l'article 196, il est précisé que pendant 20 ans, l'Autriche ne peut pas aliéner un certain nombre d'objets d'art. Toujours est-il que la mission, elle, va se centrer sur une estimation d'un grand nombre d'objets d'art et qu'elle va le faire dans trois villes en Autriche. C'est d'une part Innsbruck, d'autre part Salzbourg, mais d'une manière évidemment beaucoup plus importante, les missions, puisque il y aura à la suite de la mission de Raymond Coquelin une mission en mars des Britanniques, puis donc une succession de petites missions de spécialistes pour des domaines très très précis. C'est surtout à Vienne qu'a lieu l'expertise. Alors, je vais vous donner quelques éléments sur l'estimation qui est faite et sur la méthode qu'ont employée les différents experts pour mener à bien une tâche tout à fait considérable en quelques semaines. En fait, ils partent d'inventaires déjà existants. Et d'ailleurs, la commission elle-même en a bien conscience, puisque les membres de la commission des réparations ont souligné, je prends par exemple le propos du représentant italien, « Inventorier lui paraît inutile puisqu'il existe déjà d'excellents inventaires rédigés par les conservateurs autrichiens et que le représentant britannique renchérit. Il y a d'abord dressé un inventaire général, ce qui doit être relativement facile étant donné qu'il s'agira surtout de vérifier des inventaires existants. » Donc, effectivement, ça va être la méthode utilisée. Les différents experts, et tout spécialement Raymond Coquelin, va partir des inventaires qui sont déjà rédigés par les conservateurs autrichiens et va d'ailleurs travailler en grande collaboration avec eux. On a d'ailleurs, dans les archives que j'ai consultées de la délégation française, une bonne dizaine de lettres de Raymond Coquelin, mais on a aussi une correspondance du docteur Klotz, qui est conservateur au Kunsthistorisches. Donc ce travail se fait en collaboration, en partant des inventaires autrichiens et en donnant des estimations qui sont tout à fait variables en fonction des différents experts, ce qui pose des problèmes et qui fait que ensuite ils se retournent vers la commission des réparations en demandant s'il faut qu'ils refassent le travail objet par objet ou s'ils peuvent avoir une vision d'ensemble qui leur paraît d'ailleurs, au bout du compte, aboutir à des chiffres qui sont à peu près équivalents. Alors, quels sont les endroits inventoriés, hein, puisque c'est le cœur de la mission de Raymond Coquelin? Eh bien, À Salzbourg, c'est la résidence de l'archevêque et c'est très peu, des tapisseries dans deux salles. À Innsbruck, ce sont les trésors de l'église des franciscains et quelques salles du château d'Ambrasse. À Vienne, c'est évidemment considérable. Il y a tout un ensemble autour du palais de Laufburg et en particulier le trésor d'argenterie, le trésor de la maison impériale, le trésor ecclésiastique. Mais il y a aussi le château du Belvédère, le château de Schönbrunn. Alors, il faut bien préciser que, en fait, ces inventaires peuvent paraître très disparates en fonction des différents endroits. Schönbrunn n'était pas ouvert au public avant la fin de la guerre. Donc, en fait, il y a très peu de choses qui sont inventoriées à Schönbrunn. En revanche, à la Hofburg, il y a beaucoup de choses. Et dans l'ensemble des différents musées viennois, on a l'estimation de très très nombreux objets d'art. Alors, quels sont les musées qui sont inventoriés? Eh bien, on trouve les très grands musées viennois. On a le musée le Kunsthistorisches, bien sûr, qui est inventorié école par école, vitrine par vitrine. On a également le musée historique, on a l'Académie des Beaux-Arts, on a le musée des arts décoratifs, on a des éléments au Belvédère. On a donc tout un ensemble extrêmement important. On a également, par rapport à tous ces musées, les différentes bibliothèques qui leur sont associées. Et puis, et car c'est un élément tout à fait essentiel, dans la mesure où, au bout du compte, l'estimation qui sera faite concernera énormément les tapisseries, on a aussi les lieux de conservation des tapisseries, aussi bien de la Hofburg que de Schönbrunn, mais également les ateliers de restauration qui sont dans Vienne, dans différents endroits. On a donc, à travers cet inventaire restauration, qui est en fait en partie aussi un récollement des richesses, une vision, un panorama, non pas de toutes les œuvres d'art, bien sûr, ça était à la fois impossible dans le temps, et également il y a un choix à faire en fonction des différents impératifs que j'ai évoqués tout à l'heure, mais il y a quand même une vision de milliers et milliers d'objets d'art. Alors, le but de cette mise en gage apparaît assez clairement. Au bout d'un moment, on se rend compte à travers les correspondances que le but n'est pas de vraiment faire une estimation qui serait la plus juste possible par rapport au marché de l'art. Le but est vraiment de permettre qu'un emprunt soit possible pour l'Autriche. Et donc, on à plusieurs reprises dans la correspondance, on dit, les membres, même les plus importants de la commission des réparations, disent qu'il ne faut pas passer trop de temps à l'estimation. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment la preuve que les garanties de l'Autriche à travers ses richesses artistiques sont suffisamment importantes pour qu'on puisse lui accorder un emprunt. Et c'est dans cette perspective qu'il faut aussi analyser l'inventaire estimation qui est fait. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette mission se fait en deux temps. Dans un premier temps, on est déjà dans un moment où le gouvernement autrichien souhaite, lui qui a fait une estimation en France suisse d'un certain nombre d'œuvres et beaucoup de tapisseries, il souhaite demander l'autorisation de mise en gage et pourquoi pas de vente. Mais dans un deuxième temps, à nouveau à l'automne 1920, on se trouve dans un moment extrêmement difficile, à l'automne et en hiver 1921, extrêmement difficile sur le plan économique, et le gouvernement autrichien refait des propositions. Et donc, on a vraiment le sentiment, en lisant ces archives, qu'à la fois, il y a une grande réticence de la part de la section d'Autriche qui siège à Vienne, mais aussi d'un certain nombre de membres de la commission des réparations à Paris, d'arriver à ce que, effectivement, cet inventaire estimation aboutisse à une réelle mise en gage. Donc, on a un certain nombre d'allers-retours et on aboutit finalement à ce que Raymond Coquelin, qui lui a été très très soucieux pendant toute cette période de laisser une part assez importante à ses collègues britanniques et italiens et américains, de ne pas vouloir être le seul à tout estimer. Il a été le premier à se rendre à Vienne, mais il veut collaborer le plus possible avec eux. C'est quand même lui qui établit une liste en trois catégories, une liste d'objets qu'il ne faut absolument pas vendre, dont la vente est totalement interdite, une liste d'objets qui il faut éviter au maximum de les vendre, et une liste d'objets qui peuvent éventuellement être mis en vente ou en gage, même à l'étranger, si ça devient nécessaire. Donc, il serait trop long pour moi de pouvoir vous décrire tous les éléments de ces différentes catégories. On peut quand même en garder présent à l'esprit que parmi ce qui peut être mis en vente, on a le trésor d'argenterie et de porcelaine, dont il est dit que finalement sur le plan artistique il n'est pas d'un intérêt immense, mais qu'au poids il pourrait là rapporter beaucoup. On a au niveau aussi de ce qui peut être mis en vente un certain nombre de tapisseries dont la commission des réparations de son côté craint que c'est sur un marché de l'art assez réduit que peut être mise en vente ou mise en gage ces tapisseries, et que finalement ce ne serait peut-être pas les meilleures propositions que l'on pourrait faire. Toujours est-il que finalement, dans l'année 1921, l'affaire de la mise en gage s'atténue de plus en plus dans les papiers de la commission des réparations et de ceux de la section d'Autriche, qui reviendra d'ailleurs à Paris dans le courant de l'année 1921. La question est de moins en moins aiguë. On évoque l'idée de faire des grandes expositions à Paris, Londres, New York, par rapport à ces œuvres d'art pour les faire connaître. Mais il semble finalement qu'à travers d'autres solutions, et en particulier avec le comité international de relèvement économique, des solutions encore très difficiles pour l'Autriche peuvent être prises. Je vais vous donner quelques éléments également sur les difficultés auxquelles les experts, et tout particulièrement évidemment Raymond Coquelin, ont pu être confrontés au cours de ces missions. D'abord, la nature des richesses très variées dans le temps et dans leur forme, puisqu'il faut inventorier des objets, des richesses artistiques au départ dont on dit qu'elles vont du XIIIe au XIXe siècle. On exclut l'époque très contemporaine. Mais finalement, on y trouve les antiques, on y trouve l'Égypte. Donc, vous voyez l'éventail immense des choses à inventorier. Le fait que la masse énorme par rapport à l'estimation rend le problème de l'estimation encore plus complexe, car le marché de l'art vend des objets isolés, ce qui leur donne un prix encore plus important, alors que là, on aboutit à faire des lots, et donc ça fausse les estimations qu'on pourrait faire. Le fait qu'il n'y ait pas de précédent ou d'équivalent sur lequel s'appuyer. La nature de certains objets, d'ailleurs, Raymond Coquelin et son équipe refusent de chiffrer les reliquaires. Et la notion de valeur historique, car on a parlé beaucoup de valeur artistique, mais il y a évidemment, par rapport aux richesses de l'Autriche, une valeur historique encore très difficile à évaluer. Alors, il serait évidemment très intéressant de pouvoir faire, du point de vue de l'histoire de l'art, une étude plus approfondie de cet inventaire estimation. En particulier, on pourrait voir émerger sans doute des formes de goût. On pourrait aussi voir émerger la question des attributions. On voit d'ailleurs de temps en temps des points d'interrogation après des noms d'artistes. Donc on peut s'interroger sur les raisons qui les ont amenés à mettre ces points d'interrogation. Mais on peut aussi, à travers cet inventaire estimation, avoir présente à l'esprit combien il est question de l'histoire des Habsbourg. Les Habsbourg, qui sont à la fois mécènes, collectionneurs, souverains au goût très sûr et qui ont su s'entourer d'artistes, exprimer à des générations différentes un souci de préservation, de présentation. C'est aussi de présentation des œuvres d'art. Hein. C'est aussi grâce à eux, en ces moments si difficiles de l'histoire pour l'Autriche, que ces richesses artistiques jouent un rôle extrêmement important en étant une sorte de garantie pour l'avenir du pays. C'est donc ces richesses acquises et accumulées qui vont permettre aussi à l'Autriche d'avoir une possibilité d'obtenir ces emprunts si nécessaires. En fait, Raymond Queclin a pris cette mission extrêmement au sérieux. À travers les correspondances qu'on garde de lui, on sent à quel point il se positionne en tant qu'expert. C'est un homme qui a beaucoup souffert de la guerre de 14, qui était donc un homme habitué à côtoyer des conservateurs d'autres pays, à connaître un certain nombre de personnalités à travers l'Europe. Et donc, il a tenu très certainement à avoir un regard d'expert tout à fait neutre. Il se contente, dans une de ses correspondances, de dire que parmi les objets dont il a formellement interdit la vente dans sa liste, il évoque le fait que si finalement les choses changeaient avec ses collaborateurs, il s'est permis de mettre des croix sur les objets et les tapisseries en particulier qui seraient d'un intérêt particulièrement important pour les collections françaises. Mais il ne va jamais plus loin. Et dans l'hommage qui lui est rendu après sa mort en 1932 à l'Assemblée générale annuelle des Amis du Louvre, son collaborateur et ami Paul Alfassa écrit, dit « La commission des réparations le délégua en 1920 pour représenter la France à Vienne avec 4 conservateurs du Louvre comme adjoints, lors de l'inventaire estimatif des biens de la couronne d'Autriche. Dans cette mission délicate, son tact, sa courtoisie, son esprit conciliant, l'autorité morale dont il jouissait dans tous les pays eurent raison de grandes difficultés. Je vous remercie. »